bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, on aura Pure Reason Revolution d'Angleterre, Zop d'Angleterre, Galahad aussi d'Angleterre, King Buffalo des États-Unis, Liquid Tension Experiment des États-Unis, Shamal d'Allemagne, Sky Cries Mary, ça c'est des États-Unis. Et pour le dernier bloc de l'émission, on aura Aldi Dallo Spazio d'Italie, Cantina Sociale d'Italie et en conclusion, Drowning Steps du Brésil. Alors, comme à l'habitude, le premier bloc de l'émission est consacré à l'album de la semaine et aujourd'hui à l'émission, on a Pure Reason Revolution. C'est un groupe qui a bénéficié d'un succès d'estime là, en 2006 lorsqu'ils ont sorti l'album de Dark Turd. Mais c'est pas un succès qui s'est matérialisé en succès commercial. Mais aujourd'hui, avec leur quatrième album studio qui s'intitule Upnea, je pense que ça va changer un petit peu la donne parce que moi, je l'ai évalué comme étant dans le top 15 de 2020 à date. Alors, c'est un album qui comprend 47 minutes réparties sur 6 pièces. Et aujourd'hui, ben, pour le bloc 1, on va entendre Silent Genesis et la pièce titre Upnea. Alors, on débute ça avec Pure Reason Revolution d'Angleterre. No mother can hide her love from out of such tides of love. In steep savage hill, pensive we Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On continue avec une nouveauté qui nous vient d'Angleterre. C'est le projet d'un musicien du nom de Ryan Stevenson. Il opère sous le nom de Zop. Monsieur Stevenson, bien, c'est un musicien qui a participé à quelques enregistrements avec Andy Tillison de Tangent, et c'est probablement avec ce groupe-là qu'il a appris les rudiments de ce qu'on appelle le mouvement Canterbury. C'est un mouvement qui a été très, très actif dans les années 70, mais qui est un petit peu disparu de la carte. Et c'est très rare qu'on a des nouveaux artistes qui s'adonnent à ce mouvement-là. Alors lui, M. Stevenson, ben, il nous propose un album. L'album, c'est un album homonyme. Et la pièce qu'on va entendre, ben, c'est The Noble Shirker. Ensuite, on aura Galahad, groupe qu'on connaît bien d'Angleterre, qui a quand même une longue route. Ils ont débuté en 91. Ils ont maintenant 12 albums studio. Et ce qu'on va entendre, ben, ça vient de l'album Year Zero, qui est paru en 2002. Et la pièce que je vous propose, c'est Démocratie. Et on va conclure avec un jeune groupe des États-Unis, King Buffalo. C'est un trio, en fait. Ils ont 3 albums studio à leur actif, dont le deuxième qui s'intitule Longing to be the Mountain. Et la pièce que je vous propose, mais c'est Morning Sun. Alors on débute ça avec Zop. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous sommes déjà rendus au troisième bloc de l'émission et on va débuter avec un groupe américain du nom de Liquid Tension Experiment. C'est un groupe qui était actif surtout entre 1998 et 2007 et on leur doit trois albums studio, dont le deuxième, duquel on va extraire la pièce Liquid Dreams. L'album s'intitule Liquid Tension Experiment 2. Ensuite, on va aller du côté de l'Allemagne avec un groupe qui est quand même assez connu ici à l'émission. Je parle de Chamal. Ils ont sorti en 2019 un 15e album studio en 30 ans, donc c'est assez prolifique et souvent ils ont des albums doubles, comme le dernier qui s'intitule Schizophrenia, et on va entendre la pièce Voices from Yonder. Et en conclusion du bloc, on va avoir un groupe des États-Unis qui me semblait était disparu de la carte, mais non, c'est Sky Cries Mary qui a été très actif là, entre 1989 et 98 avec 5 albums studio. Moi, c'est un groupe que j'ai bien aimé à l'époque, et surtout dans la tendance psychédélique space. Alors, 5 albums en 7, 8 ans, 10 ans. Ensuite, le 6e album est paru 10 ans plus tard, en 2007. Et 13 ans plus tard, on a Secrets of a Red Planet. Et je vais vous présenter un extrait de cet album-là. La pièce s'intitule « Die of Laughter ». Et en fait, c'est un extrait de cette pièce-là que j'ai enchaîné avec Chamal. Alors, on débute avec « Liquid Tension Experiment » des États-Unis. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le dernier bloc de l'émission, j'aimerais rappeler aux auditeurs que vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous allez pouvoir trouver la feuille de route de l'émission d'aujourd'hui. Alors, on va aller du côté de l'Italie avec la formation Aldi Dallo Spazio, qui est un regroupement de jeunes musiciens qui, je pense, oui, ils ont un album à leur actif paru en 2019. L'album s'intitule Quasar et on va entendre la pièce Épiphanie. En fait, un extrait de cette pièce-là qui est quand même assez longue. On va poursuivre avec encore de l'Italie, la formation Cantina Sociale. C'est un groupe assez récent. Ils ont trois albums studio, dont les deux premiers qu'on pourrait parler comme étant un petit peu sans intérêt. Là. Le premier en 2002 qui s'intitule Baleni et l'autre Come Lux en 2009. Mais celui qui vient de paraître le plus récent, c'est-à-dire en 2017, Chaos Fera, joué quand même d'une certaine estime là, critique. Alors, l'album, comme je viens de le mentionner, s'intitule Chaos Fera. Et je vous propose Temporali Nascoti. Et en conclusion, eh bien, on va aller du côté du Brésil avec Drowning Steps. Drowning Steps qui a fait partie du premier bloc de l'émission, puisque leur dernier album est considéré, en tout cas moi, il est dans mon top 15 de 2020 déjà. Mais auparavant, ils avaient quelques albums studio, dont celui-là en 2017, qui s'intitule « The Comfort of an Endless Pain ». Et pour conclure, ben, on va entendre la pièce « The Darkest Morning ». fall into this trap. Roses were left. bien, ceci met fin à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de l'application SoundCloud pour y accéder, mais vous n'avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche. Et en plus, vous pouvez accéder à des émissions archivées, toujours à partir de la page Facebook. Et il y a à peu près, ben en fait, il y a 170 émissions archivées qui peuvent vous intéresser. Vous allez y trouver à chaque émission aussi la playlist, la feuille de route, en fait, qui décrit toutes les informations concernant la musique qui est jouée à l'émission. Alors, j'espère que vous avez aimé cette semaine, l'émission de cette semaine, et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.